Alors peut-être que je parle que pour moi, Vincent, tu me diras. Non, non, j'essaye d'être léger aussi. Pourquoi ? Je suis lourd peut-être ? Non. C'est pas ce que dit ta balance. Hein. Yo, c'est Yandel Bunker à Quoi de Neuf dans le Game. On se retrouve aujourd'hui pour... Bonjour, bonjour, on pirate notre podcast. Attends, je vais juste mettre plus à l'aise, un peu plus en arrière. Voilà, comme ça. Yeah. Bonjour, oh. Bonjour et bienvenue dans La Bonne Franquette, le podcast qui ne met pas ses timers alors qu'on a des limitations techniques. Je savais pas que ça avait déjà commencé en fait. Si ça a commencé depuis, wow. Depuis que t'as dit bonjour à tous en fait. Voilà. Ah, ok. T'es la première invitée qui prend le mic. Exactement. Mais au début, elle voulait faire un freestyle, mais on l'a arrêté parce qu'il y avait trop de puissance. Donc, comme vous pouvez le voir, juste une question. Vous êtes sûr que vous m'entendez bien? Parce que moi, j'ai l'impression de ne pas m'entendre fort. On t'entend très, très bien. C'est vrai? Superbe. Yeah. Au creux de l'oreille, c'est un vrai plaisir. Moi, j'aimerais que mon volume soit 10 fois supérieur au vôtre. En fait. Tu es le 1? Regarde, on peut faire. Bah, c'est vrai? Ah, là, c'est... c'est bon, genre. Quelle horreur! Mon pire cauchemar s'est réalisé. Incroyable. C'est, mec, ton t'as pire dit cauchemar. Un mot, j'entends plus de l'oreille gauche là. Allô ? Allô ? Bon. Ton pire cauchemar, c'est que ma voix porte plus que n'importe qui au monde. Non, juste que je n'entende que ça. En fait. C'est la pire chose. Ok. Alors, bonjour à tous. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dans un épisode. Alors, dans le sofa. Alors, il y a trois choses à savoir sur ce sofa. Oui. C'est que c'est le plus étroit de Strasbourg. Yeah. C'est le plus confortable de Strasbourg. Oui. Et c'est dans celui, dans celui-ci même, que tu as tourné des vidéos pour In the Bunker. Tout à fait. Puisqu'on accueille, mesdames et messieurs, Adeline, aka Yen. In the Kai. Voilà. Donc, gérante de In the Bunker. Est-ce qu'on peut dire amateur de culture urbaine tel le hip-hop? Amatrice, ouais. Peut-être. Amatrice. Ouais. C'est ouais, vrai. Ouais, ouais, on peut dire ça. Jean hein. Rond son... comme des vieux sagouins. C'est ça. Ouais, et aussi, donc, ouais, host de In the Bunker, gérante, et j'ai aussi entendu tyran de In the Bunker. Ah oui, totalement. Comme comme on appelle Kim Jong-un. Tyrante. Allez, tire-toi de là. Bah. Yes. Kim Jong-un. Ouais. Et du coup, voilà, comment ça va, Adeline? Bah écoute, ça va très bien, merci. Ça va bien comme un dimanche et je viens de me faire coiffer, du coup j'ai très très mal au crâne. C'est vrai? Ouais. Donc l'épisode de la souffrance. Hein. On est totalement dimanche, ouais. C'est vrai que pour les freelance, c'est dimanche tous les jours. Ouais, chaque jour se ressemble. C'est bon, on a compris, vous êtes payé par vous-même, c'est bon, on a compris. Moi demain, je vais travailler, monsieur. Ah, mais nous aussi, c'est juste qu'on est chez nous et tranquille, quoi. Ouais, voilà. C'est juste qu'on a un chat sur les genoux et ça fait plaisir. Qu'on est au chaud, qu'on mange ce qu'on veut. Voilà, exactement. Qu'on n'a pas à parler à des gens. Qu'on n'a pas à dire. Et les clients des fois, les ouais, clients mais c'est sûr. Des fois. C'est sûr, mais moi j'ai envie un jour de, je sais pas, d'être vendeur spécial. Parce que je suis sûr que c'est un métier extrêmement excitant, positivement et négativement. Tout à fait. En fait, t'as les deux émotions complètement. Bah genre, il y a des journées où t'arrives, tu te dis, quelle belle journée, miam miam miam. Et à la fin de la journée, miam, t'as miam, juste miam, envie hein, de... miam miam miam. Car on l'a graissé pour nous. Mais à la fin de la journée, t'as juste envie de touiller tout le monde et tu te dis, je vais totalement quitter ce job en fait. Yes, bah oui. Genre hier. Ah. Totalement hier. Ça balance, hein. Si vous êtes passé hier à la balance boutique. Balance ton client. Est-ce qu'on nomme ta boutique? Non. Ok, ne la nommons pas. Mais si vous êtes passé à cette boutique, sachez si que vous êtes passé un enfoiré Nike de Strasbourg qui est... c'est pas vrai. Alors, comme on est en présence de quelqu'un dont le rap fait partie de l'ADN, exact. Nous allons remettre au goût du jour un jeu que nous n'avons pas fait durant deux ou trois épisodes qui s'appelle le rap ou pas rap. Yeah. Vincent, peux-tu rappeler les règles? Alors, la règle, en fait, c'est que l'un d'entre nous va énoncer une phrase, une citation, une punchline, que sais-je. Oui. Et les autres devront trouver s'il s'agit, un, de rap ou pas de rap. Okay. Mais dans cet épisode, on a choisi de faire que du rap. Donc, que du rap, parce que j'avais oublié la règle. Règle n'existe pas. Donc c'est bien. Et, la moitié des jeux seulement. Et en fait, ils vont devoir juste trouver le nom de l'artiste, le nom de la chanson si possible. Ouais. Et Il y a des bonus si on trouve le nom du titre. Alors, genre on peut avoir l'artiste mais pas le titre. Alors normalement la règle c'est si tu trouves le titre si tu trouves l'artiste genre c'est 1 point c'est 0,5 et si tu trouves le titre c'est 9000 points. Ok, voilà. It's over 9000 en fait. Exactement, okay, on est dans la Japanimation, yeah. Hein, bien sûr, évidemment. Exact. À savoir qu'avant de lancer ce podcast, on était en train de trash talk Boruto totalement, donc ça fait plaisir. D'ailleurs, fuck Boruto. Voilà, c'est ça, tous les Boruto qui nous regardent. Tout ce que je connais, c'est la mozzarella di burrata et j'adore ça. Donc. Attends, mais c'est un animé italien ça. Ok, alors. J'ai envie de te faire commencer. Ah bah ouais. Oui. Ok, let's go. Let's go. Alors. C'est y part. Faut pas que je regarde. Ouvrez les guillemets. Yes. Oui. Ton porte-jartel fait l'effet d'un violent baiser dans le cou. Que du vice, un passement de clitoris, tu vas succomber. Fermez les parenthèses. Les Jossman ? Nope. C'est Joker ? Nope. Mm-hmm. Punaise, en plus je la connais. Je suis dans mon délire, je fume trop de weed, oh non. Tum, tum, tum. Je suis dans mon délire, je fume trop de weed, oh non. Oh putain, c'est quoi ? Alors attends, c'est quoi ? Ça, c'est la suite. Ça, c'est le refrain, ouais. Ok, ça ne me dit rien. Qui vaille d'ailleurs ? C'est Zola, c'est Kobalade ? Les gars, le nombre de mecs qui sont vraiment hardcore dans ce rap, c'est eux que vous me sortez, genre. Un rappeur vraiment bresson, genre. Damso. Merci ! Ah, ça fait. À ma décharge, ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté, je te dis. Depuis la sortie de Lithopédion, ça fait longtemps que je ne me suis pas mais fait. Mais là, c'est dans Batterie Faible. Ah bah tu vois, c'est encore plus loin. C'est dans quel sens ? Monde. Monde, bah tu vois, j'aurais... Dans mon délire, je produis de noir. Mais bien sûr, gros big up à Damso, hein, quelle plume. Mais je l'avais pas écouté depuis longtemps, celle-là. Ouais, Batterie Faible, c'est vieux. Hein. Ouais, c'est très très vieux. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je t'ai dit, si tu regardes mes stories, je le mets souvent dans mes stories, tu vois. Damso en général, mais pas que ce son-là. Non ? Ce son-là en particulier. Ah ouais ? Ces derniers temps, je le binge. Ok, voilà. Nice. Okay. Est-ce que t'as un message à faire passer à quelqu'un à travers ce son ? Absolument. C'est vrai ? Nice. Non. Ok. J'enchaîne, on fait dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Ok. Vas-y, même si on a commencé au milieu. Donc j'adore la géométrie. Donc. Alors. Et moi, je ne sais pas danser. Fusillade, musique, que des chants qui mitraillent. Chaque série de tirs est toujours cadencée. C'est Al Capote. Pas du tout. Mais quoi ? Mais ça commence pareil. Al Pacino ? C'est lui-même. Alors là ? Non ? Si, attends. Elle est toujours cadencée. Il est plus d'actualité que Monde. Attends, redis. Et moi, je ne sais pas danser, fusillade, musique, que des chants qui mitraillent, chaque série de tirs est toujours cadencée. Là, je l'ai fait un petit peu dans le flow sans trop en dire. Et j'ai fait la liaison avec trop et en dire. Ça me dit foutre rien. Ah, moi, ça me dit à fond quelque chose. Bien sûr. Quand tu vas le dire, je saurai. C'est Al Fawan, Pistolet Rose 2. Mais oui, bien sûr. Oh là là. Voilà. Suis-je bête ? C'est vrai, ça. Ok. Let's go, Vince. Okay. À toi. Alors, moi, j'ai. Je régale Siroc, Belvé, Grégouze. C'est Us l'enfoiré. Et c'est. Je peux sécher. Dolce, Versace, c'est léger. Yes. Oh ! Gaufrette, pétage fiché, gardave, ouais. Dépôt bien équipé. Ben, en tout cas, j'ai envie d'y respirer. C'était bien lui, bien joué. Right, c'est dans Rapta ou Aristocrate ? Parce que c'est exactement le même son avec un son avec un titre différent. C'est Rapta. Oui. Ok. Je te donnerai du temps quand j'aurai le temps d'en perdre. Ou. C'est Nekfeu ? Alors, prononcer comme ça me dit rien. Je t'avoue que j'ai jamais entendu un rappeur faire ou. En fait, c'est pas ou, c'est ou. Ah, c'est Rof ? Putain, les gars ! C'est A$AP Ferg. Floor, c'est ce nom. Voilà, c'est ça. Non, franchement, ça me dit rien. Est-ce que c'est. Je te donnerai du temps. Quand j'aurai le temps d'en perdre. Bon, après, t'es pas obligé de flex comme ça. avec des notes parfaites. C'est là. Chai, notif. Oh putain, tu sais que j'ai failli prendre un morceau de Chai aussi. Ouais. Mais je me suis dit que Vince aurait sûrement pas la ref. C'était lequel t'allais prendre ? J'allais prendre Jolie, donc. Alors j'aurais eu. Ah, ok. Je l'ai écouté un milliard de fois, celle-là. Ok, super. Ça m'étonnerait que t'aies compté, mais on va dire ok. Je l'ai. Alors. Alors attention, ça va aller extrêmement vite. Worst car legs, but... oh, okay. Il a fait pas mal de bruit ces derniers temps. En bien ou en mal ? En bien. Ok. C'est la petite coqueluche du rap français parce que plusieurs raisons. Alors, salle de prière des amplis, tous occupés à monter des empires. Est-ce que c'est Gambi ? Pas du tout. Zola ? Tous occupés à monter des empires. La coqueluche du rap français en ce moment ? Non, c'était. C'est Nino ? Ça, bah en non. fait, ça a été la coqueluche du rap français parce que tout le monde se posait la question « What's going on with this guy ?» Qu'arrive-t-il avec le garçon C'est Niska ? Non. C'est Larry ? Non. Pas Nino ? Non. Niro ? Non. Dinos ? Il a été... alors, il est vraiment blanc. Oh, Vald ? Oui. Oh là là là. C'est tellement raciste. Il est blanc. Il est... Bah non, il est blanc, quoi. Bah, Nekfeu ou Vald ? Bah, il a dit Vald. Ou attends, est-ce que tu vois que c'est raciste ? Non, mais genre, il est vraiment blanc. Et du coup, on a tout de suite su qui c'était, en fait. Ah oui, bah voilà, dans ce sens-là. C'est pour ça que, comme vous citiez que des métis ou des noirs, je me suis dit, bon, autant citer un blanc direct. Ok, Vald. Et du coup, c'est dans Xeu ? C'est dans Journal Perso 2. Oh, right. Qui a fait beaucoup de bruit autant pour la sortie, puisqu'il a fait de la promo partout, sauf en France. Et beaucoup de médias l'ont relayé cette petite trouvaille marketing. All right. Et voilà, Journal Perso 2, qui est la suite d'un son qu'il a sorti en 2009, je crois. Journal Perso 1, hein. Enfin, voilà, je crois. Vince, on t'écoute attentivement. Alors... Il se pète un délire depuis tout à l'heure. C'est vrai ? Rigole vraiment sous ce genre. Le truc, c'est que... Mais il est sous Jack, en fait. Si je le lisais avec les bacs, vous sauriez direct. Okay. Alors, j'ai le même charisme que Charles de Gaulle. J'ai passé le casting et je n'ai pas le rôle. Je dribble tout le monde et puis je marque le goal. Je la connais. Je réussirai 100% avant qu'une balle me frôle. 100% je la connais. Mais dit comme ça, non. Mais le truc avec Charles de Gaulle, c'est tellement rare que je sais que je le connais. Oui. C'est Booba ? Non. C'est Niska ? Non. Attends. C'est... Ouais, est-ce que... c'est un feat. En tout cas, le son, c'est un feat. Cette année ? Ah, c'est Al Capote. Oui, c'est Al Capote. Voilà, j'en étais sûr. Ok. Et pourquoi je voulais pas le dire avec les bacs ? L'empereur, le partouzeur, d'ailleurs. Ouais. Janus l'agriculteur, bien sûr. D'ailleurs, il faut vraiment qu'on parle de sa thérapie. Hein. Ah oui, j'ai écouté, j'ai tout écouté. Ouais. Mais... Avec les bacs, ça donne quand même... J'ai le même charisme que Charles de Gaulle. Gaulle. J'ai passé le casting et je n'ai pas le rôle. Pute. Bien sûr. Voilà. En plus, ça rime, donc c'est parfait. Nickel. Alors, comme on a tous compté les points, je pense qu'on peut dire que j'ai gagné. C'est, ça me semble assez évident. Ouais, hein, donc ça, ouais, après, je te retire moins 1 million. Ah, en quel honneur ? Bah, juste comme ça, en fait. J'accepte. Gratuit. Ok, ouais. Super. Bon. Yes. Donc, tu passes dernier, désolé. Mais bon, c'est les lois qui est deuxième avec du jeu. Val, qui est deuxième ? J'ai trouvé Val parce qu'il est blanc. Oui, c'est vrai. C'est moi, toi, on n'a rien trouvé. Moi, j'ai rien trouvé. Je crois. T'as rien trouvé. J'ai rien trouvé du tout. Pourquoi du coup, je suis j'ai gagné. Yes. Yend. Donc, grande gagnante, et c'est pas du tout parce que t'es host qu'on te fait gagner. Hein, oui, moment. Non, pas du tout. Du coup, nous, on avait. Alors, comme d'habitude, on est dans ce nouveau concept de LBF qui est plus de détente, tu vois. Yeah. On est posé dans un canapé. Dans le bendo. Très étroit. Pas tellement dans le bendo. Non, alors là, je regarde par la fenêtre, aucun deal de drogue, par y a exemple. Pas de, donc, y a non, c'est plutôt ici, très. Hein. Très peu de four par ici. Hein. Yeah. D'ailleurs, est-ce que t'as un four ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je peux pas faire de gâteau, je peux rien faire. Je fais des lasagnes dans une poêle. Ta blague fait un four, là. Du coup, on est effectivement plus posé qu'à l'accoutumée. Et on a juste le premier thème qui est la création sur Internet, voilà, globalement. Et moi, j'avais envie de parler très rapidement d'un truc, parce que c'est vrai que pour les gens qui ne connaissent pas In The Bunker, c'est donc un média underground français, yeah. A.K.A. Français plus strasbourgeois d'ailleurs. Mm-hmm, totalement. Qui a mis nombre de rappeurs à l'honneur maintenant, parce que ça fait quoi ? Ça fait 2 ans que vous avez lancé ? Ça fait un an et demi. Un an et demi, ouais. Mm-hmm. Ah, pour moi, ça faisait 2 ans, ok. Non, non. Et donc, plusieurs events à venir et ont été déjà faits. Voilà, c'est ça. Au compteur, des connexions avec des rappeurs de Strasbourg et de Paris aussi. Ouais, voilà. Exactement. Est-ce que tu as autre chose à dire ? Tu peux peut-être plug les émissions ou les trucs. De toute façon, il y aura, je mettrai le tag Instagram comme il y a à chaque fois. Mais ouais. Si tu veux en parler vite fait, puisque bah, comme du ça, coup, on en fait, comprend que tu crées du contenu sur Internet. Totalement. Sur YouTube, la chaîne YouTube qu'on a, il y a plusieurs rubriques. Il y a un épisode, par exemple, qui sort le dimanche qui s'appelle La Cozy Zone, où c'est un peu chill entre nous, discussion sur l'actualité. Moi, j'aime bien aussi relever des sujets qui me concernent, par exemple la place de la femme dans le rap, les femmes entrepreneurs, etc. Ce qui nous touche aussi. Hein. Oui, bah oui. Totalement. Bah, ouais. Et et du coup, il y a aussi les Mort Bunkers. Les Mort Bunkers, c'est quand on interview des artistes un peu plus populaires, j'ai envie de dire, comme Dinos, Gizmo, Gringe. Et oui. Et oui. Et un pote. Interview mémorable. Et je dois dire qu'en plus, j'en profite parce que je te l'ai jamais dit, mais j'avais trouvé ça très impressionnant. Parce qu'à l'époque où t'as fait Gringe, Dinos et tout, c'était quand même très petit, The Bunker, tu vois. Ouais, c'était 300-400 abonnés, grand max. Et je trouve que ouais, c'était déjà impressionnant pour l'époque et tout. Je me suis dit, ok, ça c'est un truc qui a déjà une certaine ambition, tu vois. Yes, merci, c'est gentil. Donc, congrats. Parce que je parle un peu anglais. Hein. Et voilà, du coup, on fait ça sur YouTube. On a aussi le Instagram où on fait des focus. Et on est un peu en train de migrer sur la IGTV. Et les focus, c'est vraiment des épisodes où je mets en avant l'artiste que j'ai choisi, comme Carla Genius, Croco de God, Rixi Wallace, des artistes qui ne vont pas forcément vous parler dans les médias, mais qui me tiennent à cœur. Mmh. Voilà. Ok, bah, je pense que la présentation est faite. Oui. On peut arrêter là, je pense que. Merci, bonne soirée. Bon, bah, non, mais du coup, effectivement, du coup, on crée tous du contenu sur Internet. Je vais juste remettre le timer pour être bien sûr. Tac. Et j'avais absolument pas besoin de le préciser. Pourquoi l'absence de discrétion est absolue. Exact. Non, c'est parce qu'on est transparent, attention. Mais hein, oui. État public. Non, effectivement, donc, on crée tous du contenu sur Internet, tu vois. Vincent et moi, via La Bonne Franquette. Mm-hmm. C'est vrai. Moi, via d'autres projets, puisque j'avais déjà un podcast à l'époque. J'ai une mini chaîne YouTube sur laquelle j'ai posté une quinzaine de vidéos. J'ai aussi une chaîne YouTube sur laquelle je poste. J'ai posté. C'est une chaîne Call of Duty. Ouais, hein. Une chaîne Call of Duty. Voilà. Je crois que tous les hommes en ont eu une dans leur vie, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Tous les gamers. Ah, de mes 14 à 15 ans, ça ça postait à fond. Hein. Oh là là là là. Vous inquiétez pas, nouvelle vidéo chaque mercredi. Oh là là. Exactement. Abonnez-vous. J'avais honte, donc c'était que des vidéos sans visage. Sans son, sans visage. Mais est-ce que t'avais déjà les moyens pour faire un truc avec je crois pas. Hein. Ah, c'était du Cam Studio. Ouais, c'était du Cam Studio. Non, c'était le studio de code. Le studio de Call of. Vraiment les moyens du bord. Donc vraiment, ça permettait de faire que des clips de 30 secondes. Sauf que des fois, voilà, mes parties étaient incroyables, donc je voulais mettre toute la partie. Après, calme-toi. Il fallait faire du montage. Calme-toi, direct. Direct, tu te calmes. Non, c'est vrai. L'homme est plutôt talentueux. Oui. Enfin, en termes de. Jamais quand on joue ensemble, bizarrement, mais en tout cas. 1v1 Rust, je vous prends quand vous voulez. Exact. Ouais. FIFA aussi, si tu l'as. Mais bon. NBA 2K, ouais. Les gars, NBA 2K. Voilà, ajoutez Yandakai. C'est vrai, on parle jamais du basket, malheureusement. En France, la culture basket est présente, mais pas autant que le foot. Hein. Bah là, vrai. Ça recommence à remonter avec le média Hoops on Fire. Big up, c'est mes bros. Et ils font vraiment un média qui sont complètement. Centré sur l'actualité NBA, surtout qu'en ce moment la saison a repris. Donc, Yes, j'ai vu quelqu'un dans le attends, c'était quoi, c'est dans le bus ou dans le tram? Enfin, en tout cas, j'étais dans un transport de type en public, commun. Voilà. Et quelqu'un checkait des stats et sa main tremblait. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il checkait comme les ça. Les stats de Goldstein, c'est sûr. Donc, il n'avait pas l'air extrêmement content, tu vois. En tout cas, voilà. Si t'en es là, c'est que. J'espère qu'il s'en est remis en le sport a un trop gros impact dans ta vie. Je rappelle, c'est ce qui arrive avec toi pour FIFA. Hein. Eh oui. Alors, en plus, c'est du sport et un jeu vidéo. Donc punaise, c'est... aujourd'hui, je me suis tellement énervé. Ouais. Oh là là. Pourquoi? Alors, bah, parce que j'ai perdu un match, en fait. Ah. Vite fait. Mais attends, un match story FIFA. Time, je perds un match FIFA. Ça intéresse qui? Personne. Non, mais je vais juste me plaindre hashtag pendant 10 minutes. Hashtag gone wrong. Bien sûr. Gone wrong toujours. Alors, le score du match, c'était 3 partout. Ouais. Sauf qu'il faut un vainqueur dans ces matchs-là. Oh là là. Et donc, ça part en prolongation. Mmh. Ok. Il a gagné 9-3. Bah, j'ai envie de dire 9-3 en pire. Très honnêtement, j'aurais pas apprécié. 9-3 en pire. J'ai détesté. J'aurais pu quitter. Je me suis dit, non. Le gars a trop d'ego. Oui. Alors qu'il se fait déchirer. Mais c'est bien, c'est sportif. À partir de 5-3, moi j'aurais compris. Je me suis fait humilier. C'est dur. Non, mais je voulais les points à la fin, mais voilà. Donc, je me suis fait humilier comme mais ça. Mais 9-3, c'est conséquent quand même. Hein. Ah, c'est énorme. Hein. Surtout que c'était que dans la période de prolongation, ça. Donc, en 30 minutes dans le jeu, donc environ 5 il minutes, défendait. Il m'a mis 5 buts. Non, c'est moche. Bah, franchement, si t'a autant déchiré, c'est qu'il mérite et de gagner. Franchement, oui. Donc, mais c'est juste que j'étais ultra concentré pendant les 90 premières minutes et après, j'ai lâché l'affaire. C'est difficile, c'est une histoire de mental. Ce jeu. Ça va, est-ce que tu penses t'en remettre? Parce que le peuple se demande. Quand est-ce que ça a commencé? Ouais. Ça a commencé en 2014. Et on va couper là. Alors, la création de contenu sur Internet. Oui, on crée tous des choses sur Internet. Et en ce moment, il y a pas mal de YouTubeurs qui... YouTube, ça parle à tout le monde ici, ouais. Ouais, je pense savoir ce que c'est. Ouais, ok, nice. Netflix, c'est ça? Pas du tout. Vimeo. TF1 Replay. Dailymotion. Est-ce qu'il y a pire que ça? Watt TV à l'arrière? Watt.tv? Watt TV. Je pense que... Oh là, ça c'était horrible. Moi je regardais le streaming de des épisodes de Pokémon là-dessus. Mais des fois tu tombais sur des vidéos un peu bizarres, genre. Ouais, Watt TV, personne regarde, il y a tout en fait. Il y a vraiment tout. Des fois tu tombes sur du Naruto et au final c'est pas vraiment Naruto, tu vois. Hashtag, je vois pas. Hashtag les torrents à la LimeWire, à la. Comment ça s'appelait déjà? Imule. Imule. Tu téléchargeais des films, c'était pas ce que tu voulais. C'était autre chose. Ouais, moi, une fois, je voulais télécharger un film qui s'appelait Ma première fois. Bah, quelle ne fut c'était pas vraiment ma la première action. Fois. Ah là là. Et genre c'est pas fait exprès, ouais, c'est ça. Et du coup, non, effectivement, il y a un ras-le-bol en ce moment sur la communauté des youtubeurs influents francophones, type Le Grand JD, le joueur du grenier. Il y a eu qui d'autre après j'ai vu aussi, me semble, non Squeezie, je suis pas sûr. Enfin, il a dit que ça faisait longtemps qu'il voulait en parler, mais qu'il savait pas trop comment aborder le sujet. Ok. Terracid, la même chose de Wonky Studio. Enfin, bref, il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que YouTube, c'est soit très bien, soit très mauvais, mais que grosso modo, ça devient un petit peu un format télévisé. Et ouais. ce qui est chiant, parce que je pense que, bon, en tant qu'enfant d'Internet, ce que nous on recherche sur Internet, c'est une certaine liberté, une certaine indépendance. Et moi, ça me ferait grave chier que ça soit formaté, ce qu'il est déjà pour beaucoup de chaînes. Hein, ouais. À partir du moment où t'as une prod derrière, bah, malheureusement, c'est formaté. Après, il y a des façons de le faire plus ou moins bien. Tu vois, je pense que c'est une grosse prod, par exemple, McFly et Carlito, mais ça reste assez. Assez ça authentique reste, à mon avis. Ouais. On ouais. connaît pas les coulisses, mais ça a l'air plutôt cool. Bah c'est vrai que par rapport à ça, moi j'ai été heurté en début d'année quand je voulais. Heurté directement. Heurté. Oh là heurté là, en plein visage. Oh non. Par rapport à la monétisation par exemple. Ah ah. Dans le sens où je cherchais à faire monétiser ma chaîne parce que je venais de sortir une ou deux interviews et par exemple celle de Gizmo, elle m'a fait 5 ou 6K. Tu vois, oui. Du coup, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas monétiser gratter un billet, pour quoi. Ouais, un petit 20 balles. Au moins une choupa choups quand même, tu vois. Ou un plein de courses. Et en fait, les règles de monétisation ont été complètement modifiées par rapport à ce que j'avais quand j'avais 16 ou 17 ans, tu vois. Dans le sens où maintenant, il faut que tu aies un minimum de visionnage. Donc, ça veut dire, je dis n'importe quoi, hein, mais 40 000 heures de visionnage et tant et tant de vidéos et tant d'abonnés. Donc, ouais. Tu es obligé d'avoir au moins 1000 ou 2000 abonnés et 40 000 heures de visionnage, ce qui est énorme. Ça veut dire que ça représente au moins 100 000 vues sur ta vidéo. Donc, il faut que tu aies déjà une grosse notoriété pour pouvoir monétiser tes vidéos. Ouais. Bah, ça va, ou alors fais comme nous, fais des podcasts d'une heure exprès pour ça, parce qu'on fait uniquement pour ça. C'est ça. Bah, en plus, ça marche puisque personne ne regarde. Non, c'est pas vrai. En plus, on a quand même une communauté grandissante pour un podcast qui fait des épisodes assez longs et tout. C'est plutôt cool. Genre, ça arrive souvent qu'on fasse des soirées avec des gens. Alors, c'est des potes ou des connaissances. C'est ça le mieux. Oui. C'est que parfois, c'est des gens qu'on a vu qu'une fois, mais ils regardent et ils ont toutes les refs. Ils nous sortent des trucs qu'on se souvient même plus, tu vois. Ouais. Eux, ils te font la blague et toi, t'es en face. Ouais. Oui. Non, c'est marrant de voir que. Ouais, genre, eux, ils sont là. Genre. Eux, ils ont vu la vidéo hier, donc c'est ça. Ils, ouais, c'est eux, tout frais dans leur tête. Voilà. Et clair. Nous, on est là. Et je me dis, pour les gens qui ont genre 13 millions d'abonnés à la Squeezie, tu vois, ça doit être ça, mais fois 1000. Et l'écart entre le viewer et le créateur, ça doit être incroyable, quoi. Sachant que moi, Squeezie, je l'ai connu, il avait peut-être 5K. Ouais, il faisait des vidéos dans sa chambre encore, bien sûr, tu vois. Bah oui. Il y en a une dont on parle souvent parce qu'il fait une vidéo défi et en fait à chaque fois qu'il meurt, il doit boire un cocktail dégueulasse. Ouais. Vraiment, il mélange je sais plus combien, genre 20 trucs, c'est dégueulasse. Oh, ouais. Et à la fin, tu l'as fait à l'anglaise. Et à la fin, ouais, il en peut plus, il fait « Ah, putain, le connard de merde !» C'est vraiment à l'ancienne, le YouTube bien local, artisanal. J'adorais ce YouTube-là. Ouais. Franchement, j'adorais ce YouTube un peu artisanal avec un montage pas très bien fait, mais fait après, avec amour, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais est-ce que c'est la nostalgie qui parle? Moi, je pense que c'est ça. Hein. Il y a quand même, parce que quand tu regardes des anciennes vidéos... Tu sais, genre, le son est pas forcément bon. C'est le du 360. Ouais, mais je trouve que c'est un YouTube fait avec amour, tu vois. C'est un YouTube de proximité. Dans le sens où je regardais des podcasts qui me faisaient mourir de rire. Certes, le son était pas là. La vidéo était un peu pixelisée, tu vois. Exemple, tu vois. Non. Donc, ça serait plus de la nostalgie, c'est-à-dire ton état d'esprit de l'époque, quoi. Ouais, ouais, je pense. Parce que les YouTubeurs, j'ai l'impression qu'ils se sont adaptés, en fait, à leur monde. Et maintenant, ils sont un peu plus en train de vendre leur, ouais, leur contenu. YouTube est plus consensuel qu'avant, je trouve. C'est-à-dire, il y a moins de prise de risque. Moi, ce que j'aimais bien à cette époque-là sur YouTube, c'était les chaînes genre Golden Moustache et Studio Bagel. Et mais tout. Ça, par exemple, c'est des prods déjà. 10 minutes à perdre. Bien sûr. C'était incroyable. Avec le clavier qui faisait des proutes. Ils avaient fait un sketch avec LMFAO. Genre, la blague du sketch, c'était qu'ils pétaient. Genre, quand ils étaient au plus haut. Ouais, non, mais genre, LMFAO aujourd'hui, c'est rien, mais. Qui sont ces gens? Genre, tu peux croiser un des gars de LMFAO et dire. Tu veux dire, qui es-tu? Ouais. Tu peux le dire. Tu vas juste faire un signe de tête, tu sais. Ouais, genre, allez, bouge. Alors qu'à l'époque, t'étais là. Tout le monde veut, c'est party rocking. Genre, là. Grave. Ça passait, tout le monde faisait ça passait du partout, c'était incroyable. Putain, j'avoue, ils avaient retourné Internet et toutes les boîtes et tout, c'était incroyable. Bah, moi, j'aimais bien sur YouTube. Ouais, je suis nostalgique de voir sur YouTube. Peut-être que je passe plus autant de temps sur YouTube aussi. Ça, c'est un autre problème de. Est-ce que en tant que créateur, t'as besoin de consommer pour être créateur, mais le problème, c'est que la consommation prend tellement de temps qu'au final, tu crées plus rien. Clairement. Tu vois. Moi, je suis obligé de me mettre des barrières parce que sinon, YouTube, tu vois, tu peux facilement y passer une journée. Ah, mais les tréfonds de YouTube, c'est quelque chose, tu vois. Ça, on connaît tout ce truc où tu regardes une vidéo, ou alors même les bloquer, ça dure que 2 minutes. Oh là là. T'en regardes un après deux, trois, ah, là, mais là, clairement, et tu les regardes tous. Tu vois. Le dimanche après-midi de 16h à 20h. Merci. C'est le rituel. À partir de 22h30, j'avais l'impression de me coucher tôt. Ouais. Je commence à regarder bloqué et là il est 1h du matin. Exactement. T'allumes ton téléphone, tu vois qu'il est 1h15 quoi. Genre. Un jour, Kian Kojandi, les gens vont te faire un procès et tu l'auras mérité. Bref, bloqué, tout ça c'est toi ça. Et les brefs, c'était quelque chose aussi. Hein. C'était ouf. C'était bien. Bah ouais, c'est la première fois je trouve qu'on a eu du vrai contenu produit par la télé parce que c'était Canal un budget Canal et tout. Ouais. Mais avec la gueule d'Internet quoi. Ouais, il y avait quand même ce petit côté artisanal que peut-être tu cherches, tu vois, parce que ça se voit que c'était un gars qui était avec une petite équipe et tout. Enfin, il y avait des moyens derrière, mais c'était pas non plus, je sais pas, on va dire, une émission ultra, un talk show à l'américaine avec des trucs partout et tout. Et c'était pas mal. On se retrouve pour la suite de ce sujet extrêmement passionnant qui est Internet. Après, la coupure, non pas pub, pas encore, mais ça arrive. On va vous prendre de l'argent, bien sûr. dans 3, 2, 1, pub. Ouais, oui, rebonjour, les enfants du peuple sont de retour. De quoi parlait-on? Oui, d'Internet, bien sûr. On parlait de Kian Kojandi, des brefs. Ouais, alors, est-ce qu'on intente un procès à Kian Kojandi ou pas? Oui. Moi, j'ai vraiment envie. Surtout que maintenant, je veux récupération de mes heures. Faut qu'il mes racque. Heures de sommeil, mes heures de temps ouais. que j'aurais pu mettre sur mes DM. Maintenant, j'ai raté ma scolarité. Quand même. C'est vrai à cause de Kian Kojandi. Kian Kojandi, totalement. On peut le tenir responsable. L'autre créateur de bref. Après, est-ce qu'il a encore quelque chose à perdre? Il a plus de cheveux, donc... Pour moi, c'est un homme déjà qui est désarçonné. Un pied dans la tombe. Voilà, c'est ça. C'est méchant. Non, attends, tu rigoles. L'œil est fort. Hein. Demain, tu vas perdre tes cheveux. Ah, le karma. Non, mais en vrai, moi, je trouve que les chauves... Qui va voir ça, il va rigoler. Attends, t'as eu un... C'est quoi, c'était un spasme de froid, ça? Non, mais j'ai eu froid, ouais. Ouais, ok. J'ai ce truc aussi. C'est trop bizarre, genre, tu discutes avec quelqu'un... On dirait un bug, tu sais, genre... T'arrêtes de charger pendant 2 secondes. Bah, c'est trop bizarre. Moi, c'est ça qui indique qu'on est dans une matrice et que c'est pas c'est clairement ça, le bug. C'est les bugs. Non, mais effectivement, moi, je trouve que les chauves, ils ont un... Tu sais, surtout, s'ils ont une belle barbe, genre, il y a quand même un certain charisme. C'est vrai. Mais moi, je suis la première à adorer les chauves. Hein. C'est vrai? Ah oui, car sur vous. Si vous êtes chauve... Je suis un cœur à... 07. Là, je direct... Attends, je vais le mettre en titre de vidéo. Comme ça, ça va cliquer, c'est sûr. Elle donne son numéro. En live. Et tu le mets entre parenthèses direct. Non, mais voilà, ça va cliquer direct. Et ouais. Non, mais oui, la création sur Internet. Alors, avec In the Bunker, comment est-ce que tu... Parce que toi ça veut dire que tu as créé des concepts avec ta team. Oui. Et c'est quoi le... Est-ce que tu as des trucs qui te sont arrivés où tu t'es dit... genre, est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, de faire une émission et c'était tellement claqué que c'est jamais sorti? Oui. Ah. Ouais, c'est une émission qui s'appelle Crazy Theories. Et en gros, c'est j'ai fait un épisode sur les théories du complot sur la mort de Tupac, en gros. Oui. Et normalement, ça devait être une série d'émissions sur sur les théories du complot, genre le MK21, les trucs comme ça. Bien sûr. Et du coup, j'ai fait un premier épisode sur Tupac et tout, sauf qu'il est rené, il est nul. C'est dommage que t'aies pas continué, ça aurait fait un clic monstrueux. Ouais, je sais, mais en fait, je compte bien le reprendre. Ah. Mais cet épisode juste est juste très nul. C'est vrai. C'est juste, c'est nul. En plus, je suis moche dessus, donc c'est claqué. Voilà. C'est ça joue. Problème ça, solution. Cher, j'ai envie de dire. Merci. Non, mais effectivement, c'est. Mais nous aussi, on a. Enfin, disons que c'est pas de notre fait, mais il y a des épisodes déjà qui sont jamais sortis suite à des bugs ou quoi. Mais c'est un peu frustrant quand tu le vois dans ton PC, qu'il te regarde, tu le regardes, il te regarde. Ouais, la tristesse genre, de l'objet sur lequel t'as passé du temps, de l'énergie. Tu fais un glisser-déposer vers la corbeille. Ouais, ça. Tu dis, t'as fait de ton mieux. Voilà. Et là, tu la vides et c'est terminé. Merci. Bien sûr. Mais tu dis, en plus, j'étais moche et tout, c'était claqué. Mais là, par exemple. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, me regarde pas. Parce que moi, je suis extrêmement beau. On fait en sorte, Quentin et moi, que dès qu'on fait un épisode, d'être sur notre bon profil pour la vidéo. Là. Oui, mais je suis sur mon profil là, je te rassure. On fait la même chose. Je l'ai mais déjà tout le monde fait ça, Vincent. Enfin, incroyable. Qui ferait une vidéo morvonnée, pas coiffée, cerne et tout? Clairement. Sachant que vous êtes arrivé chez moi, j'étais pas maquillée du tout. C'est vrai, Miskin, elle nous a fait attendre 20 minutes. C'est faux, c'est tellement 1h20, on a attendu. Je rigole. En plus, elle nous a mis de la grime et tout. On était dans un paysage musical sympa. London Vie. Bien sûr. Tu sais pas ce que c'est la grime? Non, je en vois. C'est le rap de Londres, en fait. C'est le rap anglais. Je savais. Exact. Ah. Qui est très différent du rap US, par exemple. Vive la grime. Voilà. Vive UK Drill, ça graille tous. Ouais, Blueface Baby. Oh, j'ai horreur de ce rappeur. Mais alors, sincèrement. De ce rappeur? Oui. Mais je peux comprendre. Moi, j'aime bien le côté complètement accidentel et what the fuck de ce mec, tu vois. Parce que ça se voit qu'il a rien à faire là et qu'il veut juste de l'argent. Il a fait un one hit et merci, bonne soirée. Mais c'est vrai que bon, après le gars a l'air plutôt sympa. J'ai pas regardé toutes ses interviews, tu vois, mais j'en avais vu une sur non, c'était pas TMZ, c'était, je crois que c'était Breakfast Club, je crois. Donc à l'américaine et tout, et c'était c'est des émissions qui traitent de rap et tout à l'américaine. Ouais, et franchement c'était plutôt cool. Il avait sorti un chiffre hallucinant, genre il avait couché je crois avec 1000 films sur les 6 derniers mois, je crois. Ce qui faisait 5,1 femmes différentes par jour, sachant qu'il est en tournée, machin, etc. Moi, tu es un menteur, mens. Voilà, ça semble assez physiquement impossible, en fait. Après, c'est bien. Tu l'as appelé comment? C'est plus Blueface Baby, c'est Blueface Mito, non? Non, ouais, je sais plus comment je l'avais appelé. Bref. Blue Mito, peut-être. Ouais. J'aime pas, en tout cas, il est orbite. C'est vrai. Il a rien à faire là. Il est orbite, et pourtant, sa bite. Ouais! Semble in, hein. Voilà. La création du contenu. Du contenu sur Internet. Bah, justement, Blueface Baby, il a ramené quand même un truc, tu vois. En quoi? Bah, d'être complètement what the fuck, tu vois. Genre, c'est. Tu sais, il y avait ce mème de Blueface Baby rappe le lundi et il reçoit la prod le vendredi, tu vois. Il y avait ce truc, vous l'avez jamais entendu? Non. Bah, c'était ultra, c'était dans les commentaires de tous ces clips et tout. Ah ouais. Genre, c'est le fameux truc, Blueface, c'est le genre parce de gars qui annule temps, en fait. un rendez-vous chez le médecin parce qu'il est malade, tu vois. Genre de truc et tout. Et c'est. Enfin, c'est devenu un mème, en fait, tu vois. Genre, le gars, il s'est fait tatouer Benjamin Franklin sur. Pas mal. Sur la tête, tu vois. J'avoue. Ouais. Oh. Parce que, en fait, les billets de sang, c'est les billets bleus, je crois, c'est ça? Yeah. D'où le nom Blueface, en fait. Et du coup, il se l'est carrément fait sur la tête et tout. Voilà. Donc après, seul Dieu est juge, hein, à Skip. Ah, gros. Clairement. Mais voilà. Maintenant, j'ai l'impression sur YouTube, pour revenir à YouTube, du coup, que le buzz, en fait, ça se fait que sur des vidéos problématiques. Ah, les dramas, ça a toujours été. Ouais, ça a toujours été comme bah, ça. Les meufs qui racontent n'importe quoi dans leurs vidéos ou qui tiennent des propos. Tu parles de Storytime, là? Par exemple. Ouais. Par exemple, bah, y a une fille de Strasbourg qui a fait le buzz parce qu'elle racontait la storytime de quelqu'un d'autre et ça a été mal interprété parce que les personnes ont juste crop la vidéo au moment où elle racontait le truc. Du coup, ils pensaient que c'était de elle. Du coup, ça a fait le tour de la France. Et bah, de ça, en fait, elle a pris 135K, je crois, sur une storytime. Et c'est ce genre de truc, en fait, qui me titille un peu, tu vois, par rapport aux créateurs de contenu qui essaient de faire vraiment des... De la qualité. Après, il y a toujours un facteur aléatoire, tu vois, on est sur Internet, tu vois. C'est ça, en fait. C'est la magie d'Internet dans le sens où tu peux vraiment percer sur rien et tu peux galérer pendant 5 ans à percer sur vraiment du contenu. Et après, des fois, il y a des créateurs aussi qui choisissent la facilité et qui percent plus vite. C'est vrai, c'est Mais vrai. Mais moi, j'ai l'impression que depuis un moment... les gens recherchent plus la personnalité que le contenu en lui-même, bah, en général. Franchement, je suis assez d'accord parce que quand tu vas sur Twitch, tu te rends compte que, genre par exemple, il y a des gens qui font des chiffres hallucinants sur des jeux auxquels personne ne joue, tu vois. Donc forcément, c'est-à-dire que les gens sont là pour le streamer et pas pour le jeu, tu vois. Ouais. Et ça arrive souvent que dans une vidéo, qu'il y a un gars qui dise « Ouais, j'aimerais bien faire ça, mais je suis pas sûr que ça vous intéresse et tout. » Les gens répondent quand même « Et nous, on est là pour toi, pas forcément pour le jeu que tu montres, tu vois. » Bah, donc... Là, j'ai l'exemple d'un YouTuber qui s'appelle Riyad One French Guy. Qui c'est qui t'appelle ? On se fait appeler en live. Est-ce que tu peux décrocher ? Ça m'intéresse vraiment ça. Ah, décroche en live. Montargis Centre qui m'appelle. Yes, mets sur haut-parleur. Ouais. Oui, allô ? Oui, c'est Bruno. Non, c'est pas Bruno du tout. Bah, pas de problème. Merci. Très bonne soirée à vous, monsieur. Oui, excusez-moi. Est-ce que, monsieur, oui, vous êtes toujours là ? Ah ! Putain, le bâtard. Je crois que je m'étais fait un pote et tout ça. Je suis deg. Putain, je voulais dire, je voulais qu'il dise un truc à la gueule. C'est la première fois qu'on m'appelle en se trompant de c'est quoi, à partir de maintenant, je t'appelle Bruno. Non, si Bruno. Mais, non. Mais si c'est beau bon Bruno, en plus, Bruno. C'est carré. Mais je... Ouais, mais Bruno. C'est pas mon nom, en fait. Bruno. Ma mère m'a pas appelé comme ça. Du coup, je disais, oui. Je prends l'exemple, justement, de ce que tu dis, d'un YouTuber qui s'appelle Riyad, Run French Guy, qui faisait des vidéos pendant 2 ou 3 ans. Maintenant, il a arrêté à cause de ses études. Mmh. Mais il faisait plein de gameplay sur des vidéos, sur des jeux complètement AHS. Je sais pas si vous connaissez Ao Oni. Non. Mais en gros, c'était un petit jeu qui avait un petit concept. Ok. Tout ça pour dire que ses abonnés, en fait, aimaient vraiment tout ce qui pondait, n'importe quel contenu, juste par sa personnalité. Parce que vraiment, c'est quelqu'un qui est hyper drôle. Il avait toujours une référence. Moi, c'est quelqu'un qui me faisait claquer de rire. Et sur YouTube, c'est difficile de me faire vraiment, vraiment rire. Et voilà, donc... Ouais, j'approuve cette théorie. C'est quoi le truc le plus drôle que vous ayez vu sur Internet ? Sur YouTube ? En format, je pense, parce que en tant que YouTuber, tu vois, ça arrive souvent que tu t'accroches à une personnalité, mais je parle d'un format, ouais. Ah, moi, je crois que c'est peut-être... c'est peut-être Balek, l'émission de Jérôme Niel, là. En fait, je sais pas si tu as déjà vu, mais en fait, tu connais Jérôme Niel ? Ouais. Bah, en fait, il fait un présentateur télé, il reprend le code, par exemple, de, j'en sais rien, de genre... De n'importe quelle émission sur TF1, tu vois. Ouais. Sauf que ça n'a aucun sens, tu vois. Ouais. Genre, à chaque fois qu'ils reçoivent un invité, il y a écrit et on accueille Géraldine, il y a écrit Géraldine, et qui nous vient du 54, et son métier, c'est genre, je sais pas, chauffeuse de chaussettes, des trucs comme ça, tu vois. Et tout leur jeu, c'est ni crocodile, ni cuisine. Et il y a une image de table dans une cuisine, et ils disent c'est quoi ? Et alors la personne, elle fait, je sais pas, c'est la savane, machin. Et tu vois, elle doit pas dire crocodile ou cuisine, et évidemment, c'est une table. Elle donc dit, c'est un crocodile. Et tu vois, non, c'est perdu. Enfin, c'est complètement con, tu vois. Oui, il y a un gars du GIGN. Il arrive en tenue de GIGN et en dessous il y a marqué Gérard Michetonneuse. Ah, non, il s'appelle Xavier. Ah oui, Xavier. Il s'appelle Xavier. Le présentateur lui dit alors Xavier, pas trop déçu ? Et il fait bah non, je m'appelle Xavier, je suis habitué à être déçu. Ah, oui. C'est vraiment que des. C'est très absurde comme ça. Et le, c'est, ouais, c'est le présentateur, il change de costume. C'est que des costumes ultra flashy, ultra avec bariolé, très drôle. Il change. Limite tous les plans de costume. ça me tue. Mais du coup, t'allais parler de quoi, toi ? S'il y en a un, bien sûr. Ça se trouve, rien ne te fait rire. Hein. C'est possible. Moi, j'aimais bien les vidéos, mais vous allez pas connaître encore. Excuse me, princess. Underground chill. Ali Bouchenafa. Ah, bah je connais. Tu connais ? Non, c'est pas vrai. Moi, ça me dit quelque non, chose. Non, en vrai, j'ai pas entendu. T'as dit quoi ? Ali Boucher d'avant ? Ali Bouchenafa. Boucher d'avant, c'est le site copain d'avant, mais juste pour les bouchers. Je vais voir s'il a toujours ça sur YouTube. Boucher Nafa, elle a dit, je crois. Oui. Ah, j'ai mais en gros, c'est un gars qui faisait des vidéos et il faisait des podcasts, mais j'aimais juste trop son humour. Il était hyper drôle. Et après, je sais pas ce qu'il est devenu. Il a juste que fait disparaître. Ça aussi, c'est un problème. Hein. Les youtubeurs qui disparaissent là. Ouais. Bah, Diablo X9. Hein. En fait. Bah, clairement. Est-ce qu'il a. Ouais, ah, bah voilà. Bah, c'est lui. Ouais, mais il est pas disparu du jour au lendemain, tu vois. Ah, ça ah j'ai déjà. Ouais, j'ai vu. Ah, oui, d'accord, il y a vraiment plus rien. Non, il a tout supprimé, il a que disparu. Et... Mais j'aimais bien ce qu'il faisait. Oups là. D'accord. Tu t'es abonné en live à quelqu'un. Incroyable. Mais c'est un lui, autre c'est Ali. Lui, tu me dis peut-être que Mugiwara Ali. Mais attends, mais Mugiwara, c'est le truc de One Piece. Oui. L'équipage des Mugiwara. Des quoi ? Sinon, les Suricates à l'époque de Golden Moustache et tout ça m'a. Ouais, j'avoue, bien j'avoue, fait j'avoue. Oh là, moi, je t'avoue que. Toujours eu du mal. Non, pas parce que c'est pas drôle, mais je préfère, comme a dit. Adélie. Ne. T'avais vraiment oublié mon prénom pendant un espace d'un instant. Non, c'est parce que j'étais en train de. Si, je l'ai totalement oublié. j'allais t'appeler. Céline. Stéphanie. Hey, Céline, c'est le nom de ma mère, Elodie. Ok. No trash talk. Non. Bruno, elle s'appelle ta mère. Elle s'appelle. Et c'est toi-même ma mère. Exact. Inception. Non, ouais, non, alors là, c'est, ça serait incroyable. On, là, on a un ça titre de vidéo, mon pote. On va retourner à Internet. Non, moi, ce que je préfère, c'est Chroma et Crost de Karim Debbache. Ouais, c'est le putain, meilleur c'est que... contenu que je n'ai jamais vu c'est sur vrai, Internet. C'est vrai, incroyable. C'est en fait, c'est des critiques de films. Mais avec une approche déjà très cultivée sur la cinématographie, tu vois. Mais avec des blagues, genre parfois, je suis obligé de mettre pause sur la vidéo et de me dire, attends, oui, il veut en venir. En fait, c'est tellement fin et ça passe comme ça que tu... C'est juste comme un tiramisu pour les oreilles, tu vois. Oh. Ça, j'adore. Vous avez connu Smosh ? Bien sûr, Smosh, ouais, à l'américaine et tout. Mais ça, c'est vraiment mon année partie... de 5e et de 4e, je crois. Ouais, grave, c'est vieux, mais c'est bizarre parce que ça fait vraiment partie... du background YouTube. Des dinosaures, mais genre ils étaient monstrueux. Enfin, c'était les premiers ultra connus qui avaient toutes les portes ouvertes et tout. Et aujourd'hui. Non, avant ça, il y avait PewDiePie. Ouais, c'est vrai. Enfin, j'aurais dit. Je sais pas, je dirais plus. PewDiePie, il est venu peut-être un petit peu après. Franchement, pas. C'était à peu près la même période, mais PewDiePie commençait vraiment déjà à percer. Il avait déjà son million, je crois. Mais ouais, PewDiePie, je me rappelle quand il a commencé à péter en France, il y avait. Je sais pas combien de chaînes qui s'appelaient PewDiePie France et qui repostaient ses vidéos avec des sous-titres. Sauf que comme il était... Oui, ça donnait des sous-titres que tu pouvais pas lire et tout, c'était n'importe quoi. Et genre aujourd'hui, il a quand même 102 millions d'abonnés. Donc big up, hein, Félix. Justement, d'ailleurs, Smosh, oui, ils ont eu une chaîne France, Smosh France. Ouais. Et du coup, Riyad, le gars dont je vous ai parlé, c'est lui qui faisait en fait la chaîne de Smosh France. Et après, il a fait sa chaîne de son côté, il est devenu personnage public de son côté. Oh là là. C'est dingue, hein. Inspiration. For real. Consommation, création, on revient à ce que je disais avant. Et ouais, c'est une boucle sans fin. T'as le voyage sans fin. Ou le voyage de Chihiro. Yo, j'adore ça. Bien sûr. Ou un voyage tel à Londres ou au Japon. Exact. Et rater son avion parce qu'on mange. Oui, exact. Bon, c'est vrai. La nourriture. Je n'ai pas l'excuse. La nourriture prend une place dans votre vie beaucoup trop importante à mon goût. Franchement, j'ai pas regretté d'avoir payé beaucoup plus cher un avion pour prendre ce petit. Mais vous avez mangé quoi ? Mais en fait, c'était éclaté. On a vraiment. Déjà, c'était petit en portions, alors que nous, on mange des trucs énormes. C'est un jour, tu mangeras avec nous et je te jure, ne mange pas pendant 3 jours avant. Ah oui. Ah oui. Et prépare-toi mentalement parce que c'est vraiment une épreuve. Ok. Et non, en plus, c'était éclaté. Moi, j'ai pris quoi ? J'ai pris un café, un croissant de Londres. Un croissant à Londres. Éclaté, c'était nul. Et je crois que j'avais pris une boisson style un jus et tout, pour les vitamines, hashtag l'hiver. et c'est nul, c'était pas bon du tout. Et il est 7h26, on a l'avion 30 minutes plus tard. On se dit, bon, il est vraiment temps d'y aller. Et là, impossible. C'est, bah oui. Ouais. Mais c'est dingue. Fermeture des portes à 7h25. Hein. Après, franchement, j'ai pas fait mieux. Ah ouais ? Ça t'est déjà arrivé ? Ouais, bah ouais. Ah, en juin, là, en fait. Mon retour de Guadeloupe. Ah, c'est vrai ? Ouais. En vrai, je me lève en toute allégresse le matin. En toute allégresse. Vraiment, j'avais bien dormi. Hein. Bien dormi. Oh, ouais, le fameux moment où tu te réveilles bien. Aucun problème dans ta vie. Jusqu'à ce que tu réalises quelque chose. Non, j'ai pas réalisé tout de suite. C'est ça le problème, tu vois. Je vis, je regarde ma série, je me mange, j'ai fait 2 œufs, j'ai mangé une taupe. Une taupe, direct l'animal. Non, une pomme avec du jus local et tout, c'était bien, tu vois. On est parti sur le coup des 14h, je dis à ma mère de passer en ville parce que j'ai envie de manger des churros, parce que les churros de Guadeloupe sont vraiment incroyables. C'est autre chose que ce d'ici, tu vois. On retourne à Agno juste pour les churros. Vraiment, il n'y a rien à faire dans cette ville, on y va juste pour les churros. À Noël, il y a un stand de churros, on y va toujours. Bah, les churros de Guadeloupe, c'est ma vie, tu vois. C'est vrai ? Ouais. Est-ce qu'ils sont différents d'ici ? Ils sont vraiment différents. Parce qu'ils mettent, je sais pas, ils mettent du sucre, cannelle, je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais c'est incroyable. Mais c'est à ce qui paraît, les Belges, ils font ça avec les frites, ils cuisent ça ça 2 fois déjà. Dans 2 huiles différentes. Ouais, un truc de ouf. Okay. Bref, bon. Bon. En tout cas, tu m'as donné envie d'aller en Guadeloupe, je vais prendre des billets. Immédiatement. Pour des churros. Ah, yeah. On arrive à l'aéroport, il est 16h passé. J'ouvre mon téléphone pour regarder quand même mon billet, tu vois, histoire de regarder le numéro et tout. Il était à 15h30. Ah oui, c'est, ouais, c'est compliqué. Alors là, que j'étais persuadée qu'il était à 21h. Ouais, c'est... Voilà, pour des churros. Comme quoi, la nourriture, c'est meilleure chose. Et pire chose qui existe. For real, for real. Ouais. Ouais. Non, j'étais en train de repenser à tous ces plats succulents qui m'attendent quelque part à l'avenir. C'est vrai, putain. Du coup, effectivement, alors, bon, on parlait de ce truc du rire sur Internet, tu vois. Mm-hmm. Nous, par exemple, avec la bonne franquette, on a ce truc qu'on essaye d'être léger, tu vois. Alors peut-être que je parle que pour moi, Vincent, tu me diras. Non, j'essaye d'être léger aussi. Pourquoi ? Je suis lourd, peut-être ? Non. C'est pas ce que dit ta balance. Hein. Vraiment très beau démarrage d'avion. Là. On a tous notre avion, ça y est, c'est sûr. Hein, c'est sûr. Nous sommes en mode. Au moins, on l'a pas manqué. En tout cas, je crois qu'on a fait la même tonalité, non ? Ouais. On a de l'avenir en tant que cœur, je pense. Sur le prochain album de Kanye, c'est sûr. Bref. Vous utilisez. Et je sais plus de quoi le rire. Tu parlais du rire. Pourquoi sommes-nous réunis déjà ? Je sais plus. Qui êtes-vous en fait ? Moi, c'est Bruno. Où sommes-nous ? Alors si toi tu dis où sommes-nous, il y a vraiment un problème par contre. Moi c'est Bruno, yes. Oui, ben voilà, c'est exemple typique de ce dont... ça va, oui. Ouais. De ce dont je parle avec la bonne franquette, on essaye vraiment d'être tranquille, tu vois. Genre très... chill, voilà, posé. On dit beaucoup de conneries, il y a des fautes de grammaire à l'oral et tout, ce qui est quand même un spectacle. C'est vrai. Et en même temps, j'essaye quand même d'avoir une discussion plutôt sérieuse ou de traiter de sujets de fond. Bon allez, j'abandonne. J'en peux plus. Non, c'est... Bah, on peut parler de la société actuelle si tu veux. Eh mec, on vit dans une société. Oh là là. Le Joker, attends, il faut un QI supérieur pour comprendre. Rick et Morty ou quoi ? Eh ben alors. Attends. Et le Joker, bientôt ça va arriver, je vais vous le dire. Hein. Ouais, c'est sûr. Dans le Joker, c'est quoi ? C'est les clowns ? Là, c'est les gilets jaunes, mon pote. Hein. C'est vrai. D'ailleurs, ils ont tapé notre vitre. Hein. Cette vitre là ? Non, à mon magasin. Ils sont passés et ils ont tapé la vitre. Ils ont cassé la vitre ? Et ils ont mis un fumigène dans notre magasin. Ah, bah. Parce que vous représentez Macron. Le capitalisme. Le capitalisme. Ouais. Voilà, je suis comme ça. Quoi. Après, c'est vrai que c'est probablement le capitalisme qui t'empêche de payer tes factures de chauffage. Je sais pas. Moi, je... D'ailleurs, je vais vraiment payer cher. C'est quelque chose. Oh là là, ouais. La redevance télé, toutes ces belles choses. Oh, la redevance télé. C'est vraiment, vraiment incroyable, c'est afférent. T'as une télé chez toi ? Ok, paye. Afférent ? Afférent ? Afférent. Ou aberrant ? Aberrant. Afférent. Afférent. Je vous promets que c'est un mot. Regardez, venant, moi, je te crois pas. Je crois pas non plus. Je te crois pas. Ah ! 100%, c'est totalement faux. J'y crois pas une seconde. Attends, il y a deux F, je crois. Elle a tapé, il n'y avait aucun résultat, elle a changé vite de discours. Regarde. Ah ! C'est pas la bonne décision. Mais oui, bien sûr, c'est sûr. Qui se rattache à. Ok. Mais en tout cas, ça existe tout de même. On peut te laisser ce demi-point. Ouais. Ça existe, mais c'est la mauvaise définition. Bravo. Yes. MVP. Allez, Celtics. Appelez-moi LeBron James. Lakers. Raptors. Oh non, les résultats. Golden State. Le bon. la bonne ref. De quoi on parlait, je ne sais plus. Alors, on a commencé à parler de création de contenu. Après, on a parlé de Macron, des Macron. Gilets jaunes. Non, parlons pas de politique, s'il vous plaît, genre. Non, pas du tout. Eh, Mélenchon, bah alors. Eh, ouais. Voilà, mais sinon, vous, en tant que créateur de contenu, justement, quel est votre processus de création ? Comment vous connaissez ? Franchement, vous tu veux vraiment le savoir ? Oui. Il n'y en a aucun. Yeah. Genre, juste, on vient chez quelqu'un. Déjà, on s'impose chez quelqu'un. Ouais. Ça va aller, le froid. J'ai trop froid, ça va. Pourtant, on est vraiment serré, tu devrais pas. En fait, le truc, c'est qu'on n'a rien dans notre frigo. Donc, on va chez les gens pour voir. Donc, maintenant, on s'invite chez les gens. Là, c'est cool. Et on dit, ouais, on fait un podcast, mais on vient juste manger. En fait, ouais, voilà. Bah, clairement. Et le principe. Pas la mère aujourd'hui. J'avoue, elle a mangé une compote. Donc, voilà. Devant nous. Et ensuite, juste du Sprite. Sans proposer. Bon, j'aurais bien tapé une cuillère. Mais... une petite compote pour l'hiver, bien sûr. Les vitamines. Non, mais voilà, nous, tout ce qu'on veut, c'est juste raconter des blagues, en fait, tu vois. Qu'elles soient drôles ou pas, on s'en fout, on est juste là pour passer un moment, tu vois. C'est genre, c'est le genre de truc qu'on n'a pas forcément, tu vois. Après, bon, en vrai, je dis ça, mais il y a énormément de travail derrière ça, tu vois. Genre, c'est comme toi avec In the Bunker, tu vois, quand tu fais une vidéo sur Internet, la vidéo elle sort, mais les gens ne se rendent pas compte des heures qu'il y a derrière à passer et tout. Et c'est la même chose pour la bonne franquette, tu vois. On passe une heure de notre vie chaque semaine à dire prout lol. Alors qu'en vrai, prout, bon, c'est peut-être un peu plus cher que ça, je te l'accorde. Prout lol. Exact. Ça reste le meilleur contenu, hein. Je vous vois chez vous. Ça reste le meilleur contenu disponible sur Internet. Alors qu'il faut trouver. Il faut quand même trouver des trames pour discuter. faut trouver des fois quand on fait un jeu, faut trouver des phrases. Ah non, on mais a même passé, je ouais. crois, bien 15 minutes avant le podcast là. C'est ça, même plus, tu vois, parce qu'il faut mais trouver surtout, faut trouver des gens chez Calais. Bon, nous on a de la chance, il y a beaucoup de gens qui veulent participer, donc ça va, on a vous avez une petite liste. Voilà. Mais effectivement, faut organiser tout ça, faut se déplacer, genre bon là c'est pas trop loin, mais on est déjà allé faire l'épisode avec Mathieu qui sort. Alors, aujourd'hui, il sort demain. Et à l'heure à laquelle vous regardez cet épisode, j'en sais rien en fait. À l'heure à laquelle vous regardez cet épisode, il est sorti la semaine dernière. Ou peut-être il y a deux jours. Cliquez quelque part. Il y a trois heures. Ouais, voilà, exactement. Et on a fait une heure de route aller-retour, tu vois, pour aller faire ça, tu vois. Non, mais c'est pas grand chose, tu vois. Mais je pense que quand tu mets autant d'énergie déjà à faire un truc, alors qu'on juste raconte des blagues, tu vois, c'est que tu prends ton truc au sérieux plus que de faire une réaction à une vidéo sur YouTube, tu vois. Clairement, clairement. On pourrait faire des vidéos réactions à nos podcasts. En vrai, ça pourrait être marrant, mais il faudrait trouver faudrait un concept ou un truc. Ouais, ce serait marrant. Mais en plus, on a vraiment envie de faire des sketchs, des trucs comme ça. Mais, je suis totalement chaud pour les sketchs. Moi, j'aime bien ça. Ouais, ça fait plaisir. Surtout je connais pas beaucoup de créateurs de contenu qui viennent de Stras. Asiatomique. Oui, alors bien sûr. Bah, bon, lui, c'est un fantôme. Ouais. Il fait une vidéo tous les 6 mois après. Ah, puis le mec, il disparaît pendant 3 ans. Il dit nouvelle vidéo vendredi. Ouais. Le retour. Le retour. À chaque fois, il fait là, c'est sûr, je reviens. Je suis là, les gars, je suis là. C'est le Diablo X9 Strasbourg. Ah, abusé. Non, mais c'est vrai, à part ça, je connais pas. Si, il y a eu Fast Good Cuisine aussi qui a habité à Rive-Étoile. Ouais. À part ça. Ah, si, il y avait Totalement Tom. Ah oui, je l'ai croisé un jour. Putain, c'est dingue, hein. À Rue des Arcades, et il était habillé en CTLM, en parodie de CTLM, avec des post-it verts partout. Voilà. Okay. Mais il existe encore? Je crois. Il s'appelle Tom Lee. Je crois que c'est Tom Lee TV, ou c'est un truc sur Twitter, ouais. Un truc ouais, genre. Ouais. Mais je crois qu'il fait maintenant, il fait de la réal de court-métrage, je crois, je sais plus. Mais ça lui va bien, parce que franchement, j'aimais bien ce qu'il réalisait. Ouais, c'était marrant. Mais ouais, il y a pas beaucoup de. Il faudrait plus. Si, maintenant, il y a À l'Exception. Qui est une amie, Alexia. Je voulais montrer la caméra. Fuck, hein, bien sûr. Au pire moment, quand tu présentes quelqu'un, tu as comme les profs qui montaient un truc au c'est tableau. C'est ça, au tableau, bien sûr. Vraiment, on avait compris c'est le sûr, message. C'est quoi. Sûr et certain. Clairement, ça veut dire je vous emmerde. Genre, tu peux pas lever l'autre doigt, tu vois. Oui. Mais qui montre un truc comme ça en plus? C'est complètement con. Qui fait ça, genre? Bien sûr, évidemment. Ça, c'est l'éducation. Les profs qui fument des cigares le matin, c'est sûr. C'est sûr. Il faudra que tu floutes sur YouTube maintenant pour la vidéo. Ouais, c'est vrai, ça. Je vais mettre des images de guerre, des films X. Mets des petits chatons sur le mur. Sinon, floute moi pendant toute la vidéo. Alors ça, je peux faire. Avec grand plaisir, même. Avec plaisir et satisfaction. Bah, je déteste. Non. Les gens se diront, ah, ça, c'est Bruno, ça. Ça, c'est Bruno, c'est sûr. Hein. Quel sacré Bruno. J'espère qu'il a une bonne vie, Bruno, franchement. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai ouï dire. Il avait l'air quand même très préoccupé au téléphone, tu vois. Bah, ça avait l'air d'être une personne âgée. En général, ouais. Quand une personne âgée t'appelle, c'est qu'il y a vraiment un truc important. Ouais. Non, je suis pas d'accord. Des fois, ils aiment bien juste discuter. C'est ça, c'est plus souvent ça, tu vois. Oh, je t'appelle et ça dure 1h30. Pour prendre des nouvelles et ta maman, il t'attend. En plus, des fois, c'est les trucs qu'ils t'ont déjà demandé il y a 2 jours. Soignez-vous, les vieux. Ça n'a rien changé. Je suis allé à la CAF l'autre jour. Ouais. Il y avait une dame devant moi. J'ai dû attendre. Oh là là, c'est la vie trépidante des vieux. Ça, c'est incroyable. J'ai hâte d'être comme ça. Pas moi. Alors, pas moi, pas du tout. Franchement, c'est une de mes plus grosses peurs dans la vie. Devenir chiant. Ouais, mais même en fait, le fait de savoir que tu vas être diminué physiquement et que tu ne peux rien y faire, ça me. Genre, ça je parle même pas de beauté ou quoi, mais genre, rien que le fait qu'un jour, ça se trouve, je serai en fauteuil roulant parce que mes jambes partent en couille, tu vois, ça me terrifie. Genre, je me dis, incroyable, là je suis en train de marcher, je cours, et après, il faudrait que je sois Mario Kart après, tu vois ça. Waouh, j'ai la plus Talking grosse. Talking about this, il y a une série sur Netflix qui s'appelle Ad Vitam. Mario Kart. Ouais, Mario Kart avec Bruno. Yes, et en gros, cette série, le concept, c'est qu'ils ont créé un genre de système pour lequel tu revis, en fait. Genre en permanence, tu peux pas mourir. Genre c'est quoi? C'est une résurrection? Ou c'est juste que t'es immortel? Ah, comme en gros, ils régénèrent tes cellules. Comme Age of Tomorrow? Non, attends, non. Je sais pas du tout. Mais en gros, il y a une meuf dans... Élysium. Je crois que c'est. Ou d'un moment, t'as une meuf riche qui passe un scanner et ça lui soigne tout ce qu'elle a et tout. Exactement. Okay. Mais c'est un truc comme ça, genre ils rentrent dans un bain et après ils sont repartis pour 40 ans, tu vois. Et par exemple, dans le truc, il y a une meuf, elle a 169 ans, mais elle est toute pétante, genre elle me ressemble, tu vois, en mode elle a pas une ride, etc. Tu vois. Genre pas si vieille. Non. Tu fais pas si vieille. Non, franchement, je te donnerais 40 ans. Mais quand ils vont dans le bain, ils sont tout nus. Ouais. Alors, ça, je regarde. J'ai téléchargé toute la saison, ça y est. Je suis là pour ça. Non, mais ad vitam. Ad vitam aeternam, c'est ça, bien sûr. Exactement. Sans le la locution latine. Ah, sans la locution, du coup. Ad vitam. Sans le aeternam. La locution latine. Bruno. Ok. Bruno. Faut vraiment le laisser tranquille, ce Bruno. Ouais. Franchement, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il fait. Maintenant, je sais que cette personne existe. J'ai envie de savoir qui est cette personne. Ouais. Et pourquoi on vient la faire chier un dimanche à 18h. Moi, je pense qu'il fait des travaux. Ah, ça doit être un travail manuel. C'est vrai. Ça, tu un ouvrier, genre, tu penses demain, tu peux venir réparer ma cuisine. Ah, comme ça, tu vois. Bruno. Non, personne n'appelle quelqu'un un dimanche soir pour ça. Ah, si. Bah, quand t'es vieux, si, parce que tous les jours se ressemblent, en fait, il n'y a plus de barrière. C'est vrai, ça. Comme un auto-entrepreneur, finalement. Le temps, c'est une création de la société. Exact. Attends. Oui. Voilà, c'est le meilleur débat. C'est vrai, ça, votre vie, elle est douce, hein, quand même. Non, en vrai, non. Franchement, pas. Ça donne l'impression, parce que, effectivement, le fait de pouvoir travailler avec qui tu veux, où tu veux, quand tu veux, sur ce que tu veux. J'ai une simple question. Ah. Oh. Le matin, tu travailles à quelle heure? Ça dépend. Dans un matin normal où t'as pas besoin de te déplacer pour un client. Et que t'as que du tournage, du montage, on va dire. Je dirais 9h30. Merci. Mais... Merci, c'était la mais... fin. C'est tout. Je me couche à 4h. Yeah, bah... Ah bah alors, tu veux sortir de la vérité ou pas? Genre, bon, il y a un moment, disons tout. Non, en vrai, là, en ce moment, j'ai fait une... ce que tu disais avant qu'on lance la caméra, un mental breakdown, tu vois. Ok. Parce que je dormais vraiment pas assez, et genre, je commençais à être dans une spirale où vraiment il fallait que je dorme et tout. Ouais. Et là, j'essaye de dormir cette nuit, j'ai dormi 8h17. C'est énorme. Ensuite, j'ai dormi une heure. Genre, je me suis réveillé, j'ai fait... Oh, trop bien et tout. J'ai fermé les yeux, je suis reparti direct. Et il s'est passé la même chose une fois. Rideau. Et je me suis réveillé finalement à 10h30, tu vois. Genre, j'ai dormi une demi-journée et je suis genre, là. Genre, tu t'es réveillé à 8h30. Mec, j'ai rattrapé 3 heures de sommeil en une nuit. T'as dormi une heure. Genre, tu te réveilles. Oh merde, j'ai dormi 1h30. Bon, je suis réveillé. Exactement. Ça. Ils étaient comme une télé. Non, mais. Exactement, je suis. C'est pas tout ça. Non, mais il va falloir qu'on coupe. Mais effectivement, j'ai juste envie de finir sur une reco parce que toi, t'as fait Ad Vitam. Je propose que tu conseilles un truc aussi sur un truc par rapport au temps, tu vois, ça peut être sympa. Alors, interdit à Interstellar et Inception. Interstellar. Non, le mec a rien compris. Depuis qu'il a une meuf qui est accro à Interstellar, c'est devenu comme par hasard son film préféré. Alors qu'il en parlait jamais quoi. Avant. Arrête. C'était mon top canard, 3. Canard. Interstellar, c'est mon top 3. Arrête. Mais bien sûr. Mais si, c'est vrai. Ça a toujours été Spider-Man et Batman, et maintenant c'est Interstellar, bien sûr. Okay, bah, avec Justin Timberlake. Attends, mais c'est le truc où ils ont exactement. Bah, je l'ai vu. J'ai de quoi vous parlez quoi? Le film Time. Mais en vrai, il avec Justin Timberlake. Si, il est bien. Dealer de temps, etc. Alors. Ouais, le concept est bien, mais je trouve le film. Pas il n'a pas été bien exploité, mais je trouve. En parlant de dealer de temps et ce genre de concept, moi je propose. J'en propose deux, je déroge à ma propre règle. Retour vers le futur. Non, Looper. Oh, qui est un film excellent, bon, avec Bruce Willis et Joseph Gordon-Levitt, je crois. Ouais, c'est lui-même. Et qui est excellent. Le concept est trop bien. Genre, tu comprends le concept dans les 5 premières minutes et tout le reste du film. Ça parle de quoi? En fait, c'est des tueurs à gages. Ils doivent remplir des missions et tout. Et sauf que au bout d'un moment, en fait, ils se font tuer, tu vois. Ok. Obligatoirement. Ils savent qu'ils vont gagner énormément d'argent, mais à un moment dans leur vie, ils vont se faire tuer. Ils le savent. Ok. Et en fait, ils savent pas où ils vont. On sait juste qu'on leur met une capuche sur la tête. Ils sont transportés quelque part et ils sont tués à cet endroit-là. En fait, à la base, les tueurs à gages, attends. Ils remontent dans le temps. Ok, c'est ça que je l'avais pas dit aussi. Justement. Mais en fait, j'évite de trop en dire parce qu'il y a un petit. Il y a un twist petit en fait, bah ouais, dès le début. Mais ça, tu le sais dès le début. Oui, mais et alors, j'ai quand même pas envie d'en parler. Merde alors. Faut le laisser, franchement. Liberté d'expression dans ce pays quand même. C'est des tueurs à gages qui remontent le temps pour tuer des gens. Ok, bah écoute, c'est le truc que je t'apprends dans les 30 premières secondes. Ok, bah et alors? J'ai pas envie de le dire. Si j'ai pas envie de le dire pour pas spoil. Bah, en tout cas, par rapport à ce que j'ai dit et ce qu'il a dit, normalement vous avez compris le twist le plus important du film. Donc, mais n'importe quoi. Okay. Non, vraiment, en plus, c'est vrai. Et Jumper, vous l'avez vu? Ouais, mais je sais pas. Je trouve rien il à voir avec much. Le temps, mais jamais. Too much. Bah, je l'ai regardé, j'étais jeune, tu vois, du coup. Il est pas mal, mais je trouve qu'il est un peu trop genre blockbuster hollywoodien pour être blockbuster hollywoodien. Okay, mais le deuxième que je voulais placer, c'était. J'ai complètement oublié. Attends, on a parlé de Ad Vitam. On a parlé de... Time, ensuite on a parlé de... Looper. Ouais. Moi, je voulais parler de Age of Tomorrow. Justement. Code source code, pardon, avec Jack Gyllenhaal qui est aussi, film aussi excellent aussi. Voilà, c'est les deux que j'ai envie de placer. Et Age of Tomorrow, ouais. Age of Tomorrow, c'est... C'est aussi un peu... bah oui, c'est carrément dans le temps, parce que en fait, c'est un gars qui meurt à la guerre, et en fait, il revient deux jours avant qu'il meure. Parce qu'en fait, il y a une invasion extraterrestre. Ouais. Attends, vous parlez de Code ou... Non, Code Source, c'est autre chose. En fait, c'est un gars... en gros, si je me souviens bien, il y a une explosion dans un train, et on sait que c'est un acte terroriste, je crois, et en fait, ouais. on fait revivre... Parce que, en gros, le gars a survécu, d'une certaine façon, et ils lui font revivre tout le temps le truc, et le gars doit trouver lui-même qui a fait exploser okay. le... Donc en fait, il peut se déplacer librement juste avant l'explosion, et il doit trouver lui. En fait, c'est une enquête, tu vois. C'est vraiment bien, c'est vraiment bien. C'est excellent. En plus, Jack Gyllenhaal qui est... Bah, j'en ai un dernier du coup. Et on finira sur ça. Yeah. Minority Report. Oh oui. Oh, ouais. Alors, à la avec voix Tom française, c'est une des premières voix françaises de Tom Cruise, et elle est nulle. Bah, c'est pas la voix de Bruce Willis ? Je crois pas. C'est vrai qu'elle est vraiment très très nulle. Et c'est la voix de Bruce Willis. Ah ouais, c'est ça. De Bruce Willis ? Bruce Willis. Faut pas se moquer. Oh ouais, ça lui allait pas du tout. Bon, en tout cas, regardez ce film, il est très très bien. Ouais. Ok, bon bah écoute, on vous dit bye bye et à la prochaine pour citer Hooper qui était un des premiers vidéotesteurs de... Attends, elle tape ses meilleurs gestes à côté là. Un premier jeu vidéotesteur de YouTube et qui en plus est un dinosaure aussi, donc ça marche avec le temps. Prenez soin de vous et... À la prochaine. Cheers. C'est le plus important. Bien sûr, oui. Et à la prochaine. Prenez soin de vous, bisous. Bruno vous embrasse.